toi tu iras plus loin pour chercher ton chemin. Demain, tu seras plus humain, sans venin, plus serein. À quoi bon te mentir? Tu sais bien que tu ne feras rien. Toujours au futur, et tu dis que c'est dur. Tu pars toujours au futur, mais jamais tu assures. Demain, tu feras un voyage accroché aux nuages. Demain, tu te mettras à la page pour soigner ton image. Toujours au futur, mais tu n'es jamais sûr. Tu pars toujours au futur, mais jamais en mesure. Demain, tu stopperas les dégâts, la boisson, le tabac. Demain, tu feras ton yoga, ton footing dans le bois. Toujours au futur, et tu dis que c'est dur. Tu pars toujours au futur, mais jamais tu assures. Toujours au futur, mais tu n'es jamais sûr. Tu pars toujours au futur, mais jamais en mesure. Plus tard, tu voudras être sympa, sans détour, sans blabla. Plus tard, tu diras, on verra, c'est comme si, c'est comme ça. Tu pars toujours au futur, et tu dis que c'est dur. Tu pars toujours au futur, mais jamais tu assures. Tu pars toujours au futur, mais tu n'es jamais sûr. Tu pars toujours au futur, mais jamais en mesure. Toujours au futur. Et tu dis que c'est dur. Tu pars toujours au futur.